Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Magic 101. Ceci est l'épisode numéro 2, je m'appelle Guillaume Poulain, je suis votre animateur pour l'épisode. Et avec moi encore, mon co-animateur favori, Renaud le Rhino. Giraldo, salut Renaud. Salut, ça va bien? Ça va super bien, je suis bien content qu'on se retrouve encore cette semaine. Deux en deux, c'est génial. Oui, tout à fait. Beaucoup d'excitation, d'excitement et de toutes les... D'affaires qui commencent en X. Oui, c'est ça. Et tous les mots qu'on ne peut pas dire à la radio. Oui, écoute Renaud, avant qu'on commence l'épisode, j'aimerais ça faire une petite annonce pour la balado en tant que telle. J'ai fait des petites démarches et puisqu'une balado, le but c'est, n'est-ce pas, de pouvoir l'écouter ailleurs que assis dans ton salon ou devant ton ordi, mais de pouvoir te balader en l'écoutant. J'ai fait les démarches et notre balado est maintenant disponible via iTunes Store. Donc, vous pouvez aller sur iTunes Store, il y a un onglet qui s'appelle Podcast, et là, vous pouvez chercher pour Magic 101. Vous allez voir un logo qui est bleu et blanc. C'est très simple pour l'instant, éventuellement on va l'améliorer, mais pour l'instant c'est ça. Donc, vous pouvez télécharger les épisodes directement sur iTunes Store. Également, si vous avez par exemple un iPhone, vous pouvez télécharger aussi l'application qui s'appelle Podcast. Et à l'intérieur même de l'application, vous allez pouvoir télécharger nos épisodes, donc les écouter dans votre appareil mobile. C'est génial, je trouve ça bien fun. C'est fantastique. N'est-ce pas? On est international. Oh oui, absolument, international, sans doute. Aussi pour nos auditeurs, j'aimerais ça, il y a un concept auquel j'ai pensé et... Je me dis que ça pourrait être intéressant pour lancer un peu les épisodes et on va l'essayer cette semaine. Donc, les auditeurs qui écouteront l'épisode, s'ils veulent nous donner des commentaires sur notre site baladomagic101.wordpress.com, vous pourrez le faire pour nous dire d'une part si vous aimez le concept et aussi peut-être pour y participer. En fait, ce que c'est Renaud, je vais te présenter une situation de Magic qui est prise. Cette semaine, je l'ai prise Michael Forrest, qui est un théoricien un peu de Magic, un joueur de Magic, qui soumet une espèce de question quiz où on doit décider du choix de jeu qu'on ferait dans une telle situation. Et cette semaine, Renaud, on va commencer, on va essayer ça, voir si on aime le faire et si notre personne, notre auditoire aime aussi. Donc, pour vous à la maison, Renaud joue, et vous aussi, vous jouez une liste de Abzan Midrange. La liste sera sur le site internet aussi, donc si vous écoutez et vous voulez voir la liste en tant que telle, vous pourrez vous diriger sur le site pour voir la liste. C'est une liste un peu inorthodoxe, où elle est très... en fait, elle joue 9 Planeswalker, donc 4 Elspeth, 4 Sorin et 1 Garruk, donc peut-être un petit... un peu de saveur ici. Et sinon, c'est relativement standard pour ce qui est de la liste de Abzan. Ça, c'est ce qu'on joue, nous. On a commencé le match, Renaud, on est rendu déjà tour 8. Et ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, c'est que on a joué nos lands, notre adversaire aussi. Au quatrième tour, on a joué un Abzan Charm pour essayer de tâter le terrain, pour piger. Et notre adversaire nous a laissé jouer. Et à notre tour, on a décidé de jouer un Siege Rhino qui a été Disdainful Stroke. Donc, jusqu'à maintenant, ce qu'on sait de notre adversaire, c'est qu'il a Disdainful Stroke. Le tour d'ensuite, lui, joue un Sarkhan et nous attaque. On avait un Heroes Downfall, donc lorsqu'on peut le jouer, on tue le Sarkhan. Ce qui fait que à notre tour, on n'a pas de jeu encore à faire, parce que vous allez voir notre main, on n'a pas encore le 6 de mana pour notre Elspeth, et on n'est pas encore prêt à jouer notre Abzan Charm, on passe le tour, et notre adversaire joue un autre Sarkhan à notre tour, et c'est là qu'on est rendu. Donc si vous voyez la photo en tant que telle, vous allez voir qu'à notre tour, on a Heroes Downfall, Elspeth, Garruk, Abzan Charm et Bile Blight. Notre adversaire a un Sarkhan et il lui reste 2 mana de untappé. La question est de savoir qu'est-ce qu'on fait pendant notre tour. Renaud, instinctivement, c'est quoi ta ligne? Qu'est-ce que tu penses qui est le jeu à faire? Peux-tu juste me rappeler, c'est la première partie ou la deuxième partie après Cyborg? En fait, on est en première partie, donc on n'a pas beaucoup d'idées de notre adversaire. Tout ce qu'on voit, c'est Disdainful Stroke et Sarkhan. Donc, en tout cas, à vue de nez, on peut probablement enlever l'idée que c'est Jeskai Ascendancy combo. Si c'est aggro, soit qu'il a mal sorti, mais disons qu'avec les Disdainful Stroke qui sont en main board, ce serait étonnant que ce soit aggro. Donc, peut-être vers une espèce de deck Jeskai Control, qui est un deck qui est peut-être moins tier 1, mais qui, quand même, sur Magic Online, est joué quand même un peu. Bon, ben alors, le fait qu'il y ait Distant Full Stroke dans le main deck, c'est un petit peu inquiétant. En ce moment, il y a deux manettes disponibles, ça me rend un petit peu inquiet de jouer un Garruk. Sauf que c'est ce qui nous permettrait éventuellement de gagner cette partie-là. S'il y a il va falloir jouer un de nos Planeswalker, puis on risque de tomber dans son cutoff spell de toute façon. Par contre, s'il y a Dissident Fallstrike dans cette situation-là, puis qu'on joue Garruk, on ne peut pas gagner cette partie-là. Donc, je serais un partisan d'attendre, puis de jouer Heroes Downfall dans son tour. OK. Sur son sarcan lorsqu'il vient pour activer. Et puis, s'il y a un counter spell à ce moment-là, un dissolve ou quelque chose du genre, on peut ensuite de ça utiliser Abzan Charm sur le sarcan. Et ensuite de ça, quand on a une tap, on peut jouer un de nos planeswalkers dans un de ces counter spells s'il n'y a aucun. S'il n'y a aucune pression sur nous, sur le board, au moment où est-ce qu'on joue un nouveau Planeswalker dans un de ses counterspells, ça va être moins dommageable pour nous que si y a de la pression sur nous. OK. Dans le fond, et là, si j'adore l'idée que du fait que en jouant le Garruk dans notre tour, si il counterspell, on ne peut plus revenir en arrière vraiment dans le match, tandis que si on attend qu'on lui fait sortir du mana pendant son tour, on peut peut-être résoudre notre Garruk plus tard. J'aime le fait que tu joues Heroes Downfall dans son tour, tu dis avant qu'il active, donc à quel moment précisément tu jouerais ton Heroes Downfall à l'untap, à l'upkeep, draw avant, après le draw, où est-ce que tu castes le Heroes Downfall dans le tour? Au moment où il fait plus 1, avant que l'habilité résout, pendant que l'habilité sur le stack. OK. Je pourrais voir de certains le faire à l'upkeep, mm-hmm. parce qu'il a peut-être pas pigé la carte, ça pourrait se défendre. OK. Mais j'aime mieux je préfère voir, parce que s'il joue Stormbred Dragon, mm-hmm. Pour essayer de nous tuer le plus rapidement possible, s'il fait Stormbred Dragon plus un Sarkhan, ben là on va vouloir utiliser le Abzan Charm sur le Sarkhan, puis le Heroes Downfall sur le Dragon. Il y en a qui pourraient vouloir le faire à l'upkeep pour éviter qu'il pige un counter spell supplémentaire. Ça pourrait se défendre. Là. Mm-hmm. Mais moi, je ferais Heroes Downfall au moment où il active le plus 1. Parce que s'il y a un counter spell, après ça, l'Abzan Charm va pouvoir se résoudre. Mais s'il y a un counter spell pour notre Abzan Charm, on ne pourra pas faire Heroes Downfall par la suite sur le sarcan parce qu'il va être indestructible. Excellent, excellente ligne, Renaud. J'aime beaucoup ta réponse. En fait, ce quiz-là a été répondu notamment par Brian Weissman, pour ceux qui connaissent un peu le joueur. C'est un joueur, un vétéran joueur de contrôle. Et en fait, il prend exactement la ligne que tu as choisie, Renaud, et décrit à peu près la même chose. Donc, vous pourriez. Il donne un peu d'autres détails pourquoi il choisit la ligne, mais même chose, lui, il termine son tour et. Lui, personnellement, il préfère le jouer avant que l'autre pige, donc comme tu disais, pour ne pas lui donner plus de possibilités d'aller piger une carte, par exemple, comme un autre counterspell. Lui, ici, il dit qu'il a peur aussi peut-être de la combinaison Stoke the Flames, Lightning Strike pour son visage, pour son doux 9.9. Mais intéressant, mais merci Renaud de t'être prêté au jeu. Je tiens à dire que je n'ai pas lu. Je lis. Des fois, je nomme Lion's Eye Diamond avec Pitting Needle, mais je suis pas quand même capable de réfléchir par moi-même. Oui, exactement. Très intéressant. Mais justement. Sur le temps passé en parlant de ça, j'ai dit ça la dernière fois. On s'était pas préparé tant que ça, puis j'ai dit ça dans le vide comme ça. Par contre, Firection of Evoker, ça marcherait sur Lion's Eye Diamond ou sur Lotus Petal et autres sources de mana comme ça, mais pas Pitting Needle, c'est écrit sur la carte. Lisez vos cartes, les enfants. Lisez vos cartes, les enfants. Oui, c'est ça. Maintenant que c'est passé. Ben oui. Ben écoute, merci Renaud. Écoute, en le faisant, comme c'est la première fois qu'on faisait le truc, je pense que j'aurais peut-être pas dû donner la réponse du pro non plus tout de suite. Peut-être attendre la semaine suivante, mais de toute façon, je suis intéressé à voir ce que les auditeurs vont en penser si jamais ils veulent participer. Mais on verra après ça quelle formule on prend pour le petit quiz de la semaine. D'ailleurs, la prochaine fois, on va avoir une situation inédite pour le plaisir de nos auditeurs. Ben oui, tout à fait. Là, c'est que je trouvais intéressant d'aller comparer la ligne que tu choisirais avec celle d'un pro. Mais à chaque semaine, d'ailleurs, on va essayer, si jamais vous, les auditeurs, vous avez une situation que vous êtes arrivé en vrai ou sur Magic Online, que vous n'étiez pas sûr de quelle ligne choisir, vous pouvez nous les soumettre à baladomagic101.wordpress.com et ça va nous faire plaisir de les traiter pendant l'épisode. Donc, si jamais il y a des lignes de jeu que vous avez choisies, dont vous voulez discuter avec nous, ça va nous faire plaisir aussi. Renaud, qui joue sur Magic Online, va probablement aussi nous soumettre des quiz du genre. Maintenant, avant de toucher à notre sujet du jour, j'aimerais ça qu'on fasse un retour sur le Grand Prix New Jersey avec toi. La semaine dernière, on a parlé du Grand Prix Legacy qu'il y avait au New Jersey, qui était un énorme Grand Prix. Il devait avoir du monde à messe, là. 4003 joueurs officiellement inscrits, officiellement qui ont officiellement joué. Et il y avait plus de joueurs que ça d'inscrits, mais il y avait des gens qui s'étaient inscrits juste pour avoir le tapis et puis... les protecteurs de cartes qui donnaient à l'effigie de Brainstorm la carte la plus jouée en fin de semaine. C'est probablement la meilleure carte en Legacy. Ouais. Et puis, Star City Games a décidé de mettre ça sur leur tapis pour promotionner. Puis est-ce que tu... ça a marché. Les gens étaient très satisfaits de l'image. Ouais, toi, dans le fond, là, t'as ton tapis, puis t'es content? Oui, quand même, oui. Tu dors avec? Ben, le tapis, souvent, entre 100 et 120$ sur eBay en ce moment. Wow! Donc, disons que ça paye une certaine partie des dépenses, même si on a scrubbé. Ben oui! Scrubbé, on va définir. La crise mélangée a fait quand même un bon résultat. Ben oui, on y reviendra. D'ailleurs, tandis qu'on t'a avec le terme scrubbé, c'est un terme qu'on entend beaucoup. Ouais. J'aimerais ça qu'on fasse du lexique 101, là, scrubbé. Qu'est-ce que c'est ça? c'est quand ça se passe pas très bien pour toi. Ok. Excellent. Quand ça se passe pas bien, on scrubbe. Ouais. Excellent. Donc, à propos de New Jersey, si tu nous parlais un petit peu de ton expérience, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu retiens, y est-tu arrivé des gâches, des drôleries? J'avais deux bails. Ok, quand même. Puis, on est arrivé quand même assez tôt. On est parti de Brossard à peu près à 7h le matin. Moi, j'étais parti de Mont-Laurier à minuit la veille. J'ai rejoint les gars de Sherbrooke, Philippe Asselin, Maxime, puis Maxime Bélanger, puis Nicolas Béant, à Brossard. Puis on est parti à 7h le matin de là pour le New Jersey. Un bon 6h30 de route avant de se rendre. On est arrivé au Grand Prix vers 1h. On a fait quelques événements là, le vendredi. Ouais, on est allé manger un bon steak, puis on est allé se coucher quand même relativement tôt au vendredi pour être en forme le lendemain. Mais le fait d'avoir deux bails, se lever le matin vers 8 heures pour se rendre au tournoi, le fait d'avoir deux bails, puis le fait qu'il y avait 4000 joueurs dans la pièce, on n'a pas joué notre premier round. Philippe, Nicolas, puis moi, on n'a pas joué notre premier round avant. Après 1h l'après-midi, 1h30 l'après-midi. En gros, c'était fait à 7h. Ouais, c'est ça, le niveau de concentration rendu là, sérieux, c'est plus maximal en tant qu'à moi. Là. Non, c'est ça. Puis moi, j'ai fait une erreur dans mon premier match parce que je n'étais pas dedans. Ça a été un petit peu particulier pour ça. Puis ensuite de ça, je me suis rendu jusqu'à ronde 8 avant de d'être sorti du tournoi. Okay. Officiellement. Donc, c'est un petit peu décevant pour moi parce que ça fait 10, plus que 10 Grands Prix que je fais, puis j'ai pas fait jour 2 encore. J'ai des assez bons résultats en PTQ, autour de 60% de victoires en PTQ, mais j'ai juste 45% de victoires en Grand Prix, donc c'est très décevant pour moi parce que je sais que je suis capable de faire mieux. Ok. Soit dit en passant, j'ai joué une partie contre Show and Tell, Omni Show. Ok. Son but, c'est de jouer Show and Tell ou Dream House, puis de mettre Omniscience en jeu pour caster gratuitement un Hunter the Infinite et aller chercher dans son deck un Miracle et puis le mettre en jeu. On dirait un deck de commande. Avec ça? Oui, oui. Moi, je vois avec sa main qu'il y a un Sneak and Show, mais il n'y a pas Omniscience encore. Je le mets à 3 de vie. Je joue un Eidolon of the Great Revel que j'avais sideboardé. Et puis, j'ai 6 permanents en jeu. Dans mes mains, j'ai Force of Will et Delver. Et je dis go. Lui, il y a Defense Grid qui m'empêche d'utiliser mon Force of Will dans son tour. Donc, il va pouvoir résoudre son Sneak and Show s'il pige Omniscience. Il pige Omniscience, joue Sneak and Show, mais à une vie. Tu mets à une vie, juste Sneak and Show. Je mets mon Delver que j'avais dans mes mains avec son Sneak and Show. J'ai maintenant 7 permanents. Je suis à 16 de vie parce que j'ai Probe, Get Action Probe, puis Fetch avec 2 lames. Okay. 16 de vie. J'ai 7 permanents et un Delon en jeu. Il casse Enter the Infinite, prend tout son deck, il a 49 cartes dans ses mains. Il a tout son deck dans ses mains. Il casse un Miracle, il pige sa carte, il prend le tour supplémentaire, pige sa carte, il reste plus de cartes dans sa librairie, il sent tout dans ses mains. Je sacrifie tout sauf Eidolon, of the Great Revel. Je prends 15, je tombe à 1 de vie. Lui, il est à 1 de vie aussi. Là, il regarde ses 49 cartes. Puis là, il me concède la partie parce qu'il n'a rien à faire. Étant donné que ce deck-là, après. Tente de caster va caster soit Noxious Revival ou quelque chose pour mettre une carte sur sa librairie pour prendre un autre tour. Mm-hmm. Release the Ants, je pense, quelque chose du genre. Mais ça coûte moins de 3 mana, donc il se serait tué à le caster. Et donc, officiellement, wow. il est mort. c'est le genre de choses qu'en Legacy, il peut se passer. Une autre anecdote très intéressante. Mon adversaire avait une Baneslayer Angel en jeu, dans ses mains. Mm-hmm. Puis, moi, je jouais pas de Daze, mais lui, il pensait que je jouais des Daze. C'est Counterspell à moi qui paye un plus en ramenant une île dans tes mains. Fait que même si t'as pas de mana, tu peux caster Daze. Puis, il a décidé de pas jouer Baneslayer, puis de jouer une JIT, une Mesawa JT à la place. Oh. Et moi, j'avais le Smash to Smithrons, qui détruit un artefact et fait 3 de dommages dans mes mains. Okay. Donc, il a joué sa JIT, j'ai cassé son artefact, j'ai untappé puis je l'ai tué. Mais s'il avait joué Baneslayer, ben, j'aurais jamais gagné cette partie-là. Bon, ouais. Des fois, en Legacy, là, ça peut vraiment virer sur un 10 cents. Ouais. Puis, pour ceux qui n'auraient pas écouté le Grand Prix, je pense à ça parce que la semaine dernière, on a parlé un peu de Legacy. On a parlé de deux choses, notamment les archétypes. Toi, tu jouais bleu-rouge Delver, c'est ça, si je me rappelle bien? Oui. Qui a été bien représenté. Là. Je pensais jouer bleu blanc-rouge, comme un peu ce qui est ressorti de... Oui. Pas exactement comme Brian Brandewin, mais comme la plupart des bleu-blanc-rouge Delver qu'il y avait, Stoneforge Mystique. C'est ça, en fait, il splash. Mais c'est pas ça que j'ai joué finalement. J'ai joué une liste de bleu-rouge Delver avec beaucoup de Burn, Price of Progress, Fire Blast, ouais. Puis des Chain Lightning. C'était quand même assez bon, mais c'était plus. C'est Stoneforge, je pense, qui a vraiment dominé. Ouais, Stoneforge. Il y avait un peu moins de puissance. C'était plus comme un deck Burn, mais qui jouait des Treasure Cruise puis des Brainstorm. Mm-hmm. C'était un petit peu compliqué des fois d'aller over the top, là. D'aller au-dessus de ce que mes adversaires voulaient faire, parce que je fallait que je prenne beaucoup de temps quand même pour envoyer des lightning bolts, ouais, etc. Et en fait, c'est pas c'était long à tuer. Ok, ouais. Puis l'affaire qu'il y a, c'est que, tu vois, comme la version dont on a parlé, qui a gagné, qui est en fait Brian Bronwyn, qui a joué en finale contre Tom Ross, qui lui jouait Infect, un autre deck dont on a parlé, et que ouais. Maxime jouait Infect. Je sais pas si c'était inspiré de Tom Ross avec Become Immense, finalement. Est-ce que tu sais s'il le jouait? Maxime jouait des Become Immense, Ok, oui. voilà. Mais donc, en tout cas, pour ceux qui n'auraient pas vu le Grand Prix en fin de semaine aussi, vous pouvez aller sur la page que je consulte assez souvent, c'est MTG Coverage, donc mtgcoverage.com. Et il y a comme tout en lien, c'est tout découpé par partie, le coverage, dans le fond, qui a été fait du Grand Prix. Puis ça, c'est pour à peu près tous les événements qui sont donnés, tant les événements de SCG que Magic, Grand Prix, par exemple, ou les Pro Tours, tout ça. Et vous pouvez voir, dans le fond, les matchs que vous pouvez choisir. Fait que s'il y a un type de deck que vous aimez jouer, vous pouvez aller voir ça. Donc, la finale, c'était Brian Bronwyn qui jouait Bleu, Blanc, Rouge, Stoneblade contre Tom Ross qui jouait Infect. Et c'est Brian Bronwyn qui... Il jouait pas de Delver, Brian Bronwyn, si j'ai bien compris. Il jouait des Young Paravenser, des Stoneforge Mystique, puis des Trunam Nemesis, ouais. Comme créature. Exact. Puis le reste, c'était tous des sorts que Bleu, Blanc, Rouge jouait. Pyroblast, Retro Cruise, Brainstorm, Ponder. C'était assez de base là, quand même. La vraie grosse différence, c'était de jouer Young Paramancer à place de Delver. Ouais. Ça a l'air d'y avoir profité. Puis j'imagine que c'est toujours bon parce que ça te laisse tout le temps une petite créature en jeu qui est capable de porter une JIT ou des choses comme ouais, ça. Exactement. Donc, vraiment intéressant, Renaud. Autre chose... Je tiens à dire une dernière chose. Il y a 11% des joueurs environ qui font jour 2, qui ont fait jour 2 à ce Grand Prix-là. Mm-hmm. Et Maxime a fait jour 2. Et c'est donc dire que 25% de notre voiture a fait jour 2. C'est quand même plus élevé que la moyenne. C'est une excellente statistique. Ça montre que la scène sherbrookoise de Magic est dominante. Bravo à Max, en tout cas, bravo pour sa performance. C'est vraiment... Il a fini 10 victoires et 5 défaites. Ce qui est quand même raisonnable. Juste avant, il a fini 235e, quelque chose du genre. Juste en dessous des prix en argent. Ah ouais, ok. Hein. Mais c'est un peu décevant parce que s'il avait fait une draw avec son adversaire dernier round, il aurait fait 200$. Quand même. Puis d'ailleurs, c'est ça, je lisais là, les commentaires dans un groupe Facebook, il disait qu'il lui avait un seul bail, donc il était très fier notamment de oui. Sa performance. Ah bien sûr, tu t'avais aimé, il a raison, puis il s'était pratiqué pas mal plus que nous avant. Ouais, la préparation. Ben ça, comme ce que j'avais dit tantôt, c'est que quand tu as une finale avec Tom Ross puis Brian Bronwyn, tu vois que limité veut pas, c'est quand même un format qui est dirigé vers les joueurs. Je lisais les notes en même temps. Je suis en train de vendre le punch, mais ça nous permet une belle transition peut-être. En oui. fait, c'est vers notre sujet de la semaine, parce qu'en fin de semaine, la semaine dernière, c'était un Grand Prix à New Jersey, mais en fin de semaine, le Grand Prix est à Ottawa. Et c'est un format à l'opposé de limité. Voyons, de Legacy, c'est en fait Khans of Tarkir limité. Oui, là, on était dans le 13 ancien la semaine passée, et là, on est dans le plus récent, donc... Exactement, donc, ça, on a décidé de faire comme épisode cette semaine, de parler un peu du format limité de Khans of Tarkir, puisque lors des Grands Prix, c'est un format mix, donc on a autant Sealed que Draft. On va essayer de toucher un peu limité en général, et d'aller un peu voir les particularités du format pour Draft et Sealed, un peu qu'est-ce qui distingue les deux volets du format pour Khans of Tarkir. Je pensais comme porte d'entrée vers le format de peut-être prendre deux grands points qui définissent Khans of Tarkir. La première chose qui, à mon avis, est importante dans le fond et qui définit un peu le format, c'est le fait qu'il y a des cartes multicouleurs et tout particulièrement trois couleurs. Donc ça arrive relativement rarement dans Magic qu'on a un set trois couleurs. En effet, ça arrive pas souvent qu'il y a des cartes de trois couleurs. Et ça oriente nécessairement le jeu. Et l'autre grand volet qui, je pense aussi, transforme un peu le format, ou du moins fait que le format est ce qu'il est, c'est la mécanique qui traverse toutes les couleurs, qui est Morph. Donc, je prends 30 secondes pour expliquer Morph au cas où qu'on aurait un auditeur qui ne sait pas qu'est-ce que c'est Morph. En fait, c'est qu'une carte qui a le mot-clé Morph, on peut la caster pour 3 colorless et la mettre face vers le bas sur la table. Et on peut, pour le coup qui est indiqué de son Morph, la mettre face vers le haut. Et ça n'utilise pas le stack. Et là, donc, ce qui veut dire que c'est comme si c'était exactement la même carte, c'est juste qu'on tourne de bord. Donc, il n'y a pas d'effet, l'autre ne peut pas répondre à ça, ça va être instantané. Essayez pas de faire 2 de dégâts sur une créature en réponse à un morph, ça ne marchera pas. Hein. Ça ne fonctionne pas. Si on ne peut pas répondre à un morph, ça ne passe pas par le stack. Non. Et l'autre chose aussi, à savoir à propos de morph, c'est qu'admettons que le match se termine et que vous avez une carte morph qui n'a pas été morphée, donc qui est encore face vers le bas, il faut la montrer à notre adversaire. Sinon, ça peut être carrément... vous pouvez perdre le match. Donc, pendant un Grand Prix, ne serait-ce que si vous faites juste oublier de lui montrer que vous décidez de brasser votre deck, il pourrait appeler le juge et vous pourriez perdre la partie. Ben, en fait, vous allez avoir un game loss pour pour pas avoir révélé votre morph. Et c'est pas juste à la fin du match, c'est à chaque fois que une morph change de zone. Donc, si je caste Force Away sur ta morph et que tu me la révèles pas, eh bien, c'est un game loss. Voilà, donc voilà. Peut-être à savoir pour... Sachez-le! Sachez-le, on vous l'a dit, vous ne pourrez pas dire que vous ne le saviez pas. Donc maintenant, si on se lançait dans Khans of Tarkir, donc qu'est-ce que ce format-là, par où on rentre, qu'est-ce que ça fait que ce soit multicouleur, qu'est-ce que ça fait qu'il y ait morph, comment ça l'a transformé le format, qu'est-ce que ça l'a, vers quoi ça l'a orienté le format, disons? Ben, les cartes morph sont quand même assez bonnes parce qu'elles permettent de décaler le moment où tu dois avoir tes couleurs de mana pour la caster. Mm-hmm. Puis ça te permet d'avoir une présence sur le board avant. Puis souvent, les cartes morph d'une seule couleur coûtent un de moins en mana de couleur que pour démorpher que de caster comme telle la carte. Mm-hmm. Donc ça peut être un avantage, ça permet d'avoir une meilleure mana. Le fait qu'elle morphe dans le format, ça permet de jouer des decks trois couleurs plus facilement, je dirais, parce que t'auras toujours ton 3 quelque chose à caster, même si t'as pas les couleurs, parce que c'est du colorless. Et dans le fond, ça m'amène à penser à quelque chose que j'avais entendu au tout début du format, des gens qui expérimentaient le format quand ils étaient un peu plus jeunes. Et il y a toujours la question du nombre de lands qu'on joue. Et Morph a orienté le format tranquillement vers, si je ne me trompe pas, 18 lands. Parce que pour ceux qui jouent en limité, l'espèce de canevas de base, normalement, c'est 17 lands, 23 cartes. C'est comme l'espèce de gros canevas de base. Et là, si on est un peu plus agressif, on peut peut-être couper un land. Si on est un peu plus contrôle, peut-être qu'on peut en ajouter un. Mais là, le fait qu'on veut toujours avoir un land au troisième tour, nous force à aller vers 18 lands. Et en plus, un autre aspect de Morph qu'on va traiter peut-être à l'instant, Renaud, c'est le fait que c'est très important d'avoir 5 lands aussi, donc ça tire encore le format vers 18 lands. Je ne sais pas, c'est quoi ton opinion sur ça? Ben écoutez, quand j'ai gagné l'Invitational Qualifier du Griffon le 25 octobre, j'ai écrit un article sur le play. Si on joue sur le play, la probabilité d'avoir 5 lands dans le jeu au tour 5, en jouant 16 lands dans ton deck, c'est 46%. Okay. En jouant 17 lands, c'est 54%. Puis en jouant 18 lands, c'est 62%. Ouais. Parce que sur le draw, en jouant 18 lands sur le draw, tu as 73% d'avoir 5 lands dans le jeu au tour 5. Donc, tu as vraiment une grosse différence à jouer une bonne quantité de land puis d'être sur le draw. Dans ce format-là, c'est très important. Une morph qui attaque dans une autre morph, si votre adversaire a 4 mana, il y a que des spells qui peuvent être mauvais pour vous dans cette situation-là. La morph ne sera pas mauvais. Au pire, sa créature va survivre, mais elle ne tuera pas la vote parce qu'elle va être 1-5 ou 0-5 quelque chose. Mm-hmm. Puis, la... Ou ils vont s'entretuer l'un et l'autre. Ouais, mais il n'y a aucune situation où est-ce que il peut juste démorpher puis tuer votre créature puis que la sienne ne meurt pas à 4 mana. Mais à 5 mana, par contre, là, c'est toute une autre histoire. Ouais, c'est ça. C'est là où le fameux, en anglais, disent mind game, mais là, l'espèce de jeu de... On joue au chat et la souris un peu, rentre en ligne de compte à partir de 5 mana. Et c'est là qu'il faut vraiment savoir que si on attaque un morph dans un autre morph et que l'autre a 5 mana d'ouvert, il y a des bonnes chances qu'il ait envie de démorpher et probablement battre votre créature si vous n'avez pas vous aussi 5 mana. D'ailleurs, c'est comme un gros, une espèce de gros insigne qui flash. Si votre adversaire a 5 de mana, il y a des morphs en jeu et qu'il vous passe le tour, sachez que c'est pas mal certain que ça unmorph au prochain tour. C'est vraiment un jeu qui est redondant dans Khans of Tarkir en limité. Là. Tout à fait. Et donc, tu nous disais, morph veut... amène le fait qu'on peut jouer peut-être trois couleurs plus facilement parce que, comme tu disais, on décale un peu le moment où on a besoin d'avoir nos trois couleurs. On peut la mettre pour colorless et lorsqu'on aura nos trois couleurs, disons tour 6 ou tour 7, ben là, on va pouvoir morpher. Vraiment l'important que je trouve vraiment important dans ce format-là, c'est que le début de ta courbe de mana soit de deux couleurs seulement. Donc, ce qui coûte 2 puis ce qui coûte 3 qui n'est pas une morph, qui soit des deux couleurs principales du deck, puis qu'ensuite de ça, la troisième couleur soit strictement pour démorpher ou pour des gros spells vraiment puissants comme, je sais pas moi, Villainous Sweat ou des choses comme ça. Ouais. Des choses plus tard dans la partie ou qui ont vraiment un gros impact sur la partie. Oui, c'est ça. Ça semble être vraiment un consensus là, dans ce que je connais du format, de ce que j'ai vu les pros jouer aussi. Ils essaient le plus possible de se concentrer sur deux couleurs pour tout le bas de la curve et là, ils peuvent aller vers la troisième couleur pour les 5, 6, 7, 7e, 8e tour parce que c'est un format qui est un peu plus lent que plusieurs des autres formats qu'on a connus. Il y a des statistiques qui sont sorties là, que j'ai entendues sur un autre balado qui s'appelle Limited Resources. Avec Marshall Sutcliffe et il y a un invité qui a fait comme lui il garde des statistiques de tous les formats, il disait que Khans of Tarkir est un tour et demi plus lent que la moyenne des autres formats limités, donc ça laisse un peu plus de temps quand même. C'est fort possible, mais c'est aussi pour ça que si vous n'avez pas de problème de mana, vous pouvez tirer avantage de ça et prendre au dépourvu votre adversaire. Ouais, absolument. Et est-ce que tu considères qu'il y a des grandes différences dans, tu sais, comme là tu as dit, bon, c'est important d'être deux couleurs en bas de curve et de se restreindre à ça et d'y aller juste pour une espèce de splash pour les plus gros spells. Est-ce que c'est la même chose selon toi en sealed qu'en draft? Est-ce que de ton expérience, il y a vraiment des grandes différences entre les deux? Moi, je sais qu'il y a certains archétypes en draft qui existent, mais est-ce que Sealed Draft de Khans of Tarkir suivent les mêmes lignes? Comment tu vois ça, la différence entre les deux formats? C'est encore plus important d'avoir des land drops en Sealed puis de jouer des cartes très puissantes. En draft, j'aurais aucun problème à jouer plusieurs two drops qui n'ont pas vraiment nécessairement d'impact de très gros impact sur la partie parce que je veux que mon deck soit quand même constant. Mais en sealed, je pense que c'est plus important de jouer des bonnes cartes puis d'avoir des lands. Moi, j'irais peut-être même jusqu'à jouer 19 lands dans un sealed pour m'assurer d'avoir le mana, mais d'être capable de jouer des très bonnes cartes. Je pense qu'en sealed, jouer 4 couleurs, c'est possible. Plus qu'en draft. Okay. Parce que les decks de draft sont vraiment plus rapides que les decks de sealed. Ouais. Mais d'ailleurs, ça m'amène à peut-être faire un petit tour d'horizon, peut-être des archétypes que toi tu as essayé, peut-être en draft, peut-être des archétypes que tu sais qui existent. Moi, j'en connais quelques-uns. Hier, on a drafté pour se pratiquer, puis on a fait un deck de bleu-vert de Secret Plans. C'était pas mal saucé. Ah ouais? C'était vraiment très bon. Et puis, on mettra l'image du deck sur notre page. Parfait. Et puis, c'est quoi le plan de deck là? Puis, il se draft comment? Au début, on draftait un deck vert bleu. avec des two drops surtout vert, mais un petit peu de bleu aussi. Puis des bons morphs, on s'est fait passer un Thousand Winds. On avait des Woolly Loxodon qui est comme. Ouais. C'est si tu démorphes ça, peu importe la carte que lui va démorpher, t'as 99% de chance de la tuer. Là, à part, la seule chose qui peut trader avec ça, c'est la 1-1 Death Touch noir. Là. Ouais. Sinon, ça passe au travers de tout. Là. Ok. Ça 6 de power, puis ça 7 de toughness. C'est quand même bon. Puis, on avait quand même plusieurs morphs. Puis là, pack 3, on s'est fait passer 2 secret plans. Puis à partir de là, on a pris tout le reste du temps, des morphs. Puis on s'est retrouvé avec 11 morphs environ. OK. Secret plans, ça fait en sorte que tes morphs sont 2-3. Donc, ils vont pas mourir si tu bloques avec une morph tour 4. Tout un avantage. C'est tout un avantage, en effet. Puis, après ça, quand tu démorphes, tu piges une carte. Okay. Quand tu démorphes une créature. Donc, ça nous permettait après ça de piger vraiment beaucoup de cartes. Quand ça fonctionne, ce deck-là, c'est vraiment bon. Fort intéressant. Un autre archétype qui est très populaire, qui, dans le fond, est quasiment trop populaire pour être drafté autour d'une table à un grand prix, mais qui sait, c'est Blanc-Noir Warrior. Je sais pas si tu as eu la chance de le jouer. Mais moi, j'ai pas eu la chance de le jouer. J'ai joué Blanc-Rouge. OK. Surtout, là. Mais dans les side events au grand prix, j'ai fait deux decks Blanc-Rouge, vraiment bon. Mm-hmm. Ouais, blanc, c'est très fort, je pense, en Cards of Tarkir. Il y a Mardu Horde Chief qui fait. Qui est 2-3 pour 3. 2-3 pour 3, c'est très bon, ça permet de bloquer des morphs. Mm-hmm. C'est 3 de toughness, c'est quand même assez bon. C'est 3 de toughness, dans le format 3 de toughness, c'est parfait justement parce que ça bloque les morphs. Honnêtement, je pense que ça a sa valeur. Oui, puis 2 de power aussi parce que ça tue les morts. Mais blanc-noir warrior, c'est un deck que j'ai vu drafter par plusieurs pros sur Internet. Ça a l'air d'être un bon deck, mais ça n'a pas l'air d'être ça qui révolutionne le format. Là. Non, effectivement. Tu peux t'en sortir avec d'autres archétypes. Là. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a un truc qu'il faut savoir à propos de draft. Donc, si vous vous rendez à la portion draft, parce que pour faire la portion draft, il faut faire... 7-2-1. Oui, c'est ça. 7-2-1. Donc, ça se peut que vous ne fassiez pas ça. Mais si vous le faites, vous connaissez probablement déjà les archétypes. Mais il y a le fameux archétype 5 couleurs en draft. Je ne sais pas si tu connais. Il y a un gars qui stream qui s'appelle Kenji. Qui joue limité, toujours il draft comme sa vie, là, 8 heures par jour. Oui. Pendant un certain temps, il a vraiment dominé le format avec 5 couleurs. Et la façon de drafter 5 couleurs, c'est en tout début de ne pas avoir peur, à moins d'avoir les bombes. Là. À part avoir des bombes, c'est que tu ramasses à peu près tous les lands que tu peux ramasser dans le premier pack, disons. Et une fois que ta mana base est absolument géniale, toi, tu peux te permettre d'aller chercher toutes les cartes multicouleur parce que évidemment la carte quand elle est multicouleur, souvent le niveau de force de la carte est plus élevé et donc ça te permet dans les packs surtout 2 puis 3 d'être vraiment payé puis pouvoir ramasser des cartes multicouleurs très très fortes. Donc tu fixes ton mana dans le premier paquet et à partir du milieu du deuxième paquet ou peut-être voir même le début évidemment pour les first pick et tout ça, tu ramasses vraiment des cartes de qualité et tu sais ça sonne un peu comme technologie de salon, là, ça fait un peu casual, si je peux dire, mais ça fonctionne vraiment. Puis il y a plusieurs excellents joueurs qui vont pour 5 couleurs. Si jamais tu as le temps encore de pratiquer, tu l'essaieras. Peut-être nous dire qu'est-ce que t'en penses. Baselin a drafté un deck dans les side events au Grand Prix avec Trail of Mystery puis des morphs. Okay. Trail of Mystery, ça te permet quand tu joues une morph face down, tu peux aller chercher une land dans ton deck. Donc ça permet de fixer. En plus. Puis de la mettre dans tes mains. Puis quand tu démorphes, la créature a +2/+2. Okay. Ça peut permettre de... C'est une bonne carte dans ce deck-là. J'ai l'impression que vraiment bon deck blanc, rouge ou blanc, noir, va passer au travers de ce deck-là assez rapidement. S'il est très, très agressif du format, le deck bleu-rouge aussi de Prowess, là, vraiment bon. Ouais, quand la courbe est là, là c'est très fort. Oui, parce que souvent ça va être comme un tour 2, Jeskai Elder ou Valet d'Acheur. Tour 3 avec Crippling Chill, taper ton bonhomme ou un Bloodfire Expert. Puis après ça, là, taper tes bonhommes avec des Seeming Bell Strike ou des choses comme ça. Mais vraiment très bas curve, des créatures qui ont beaucoup de power. Ce deck-là, Philippe a drafté un deck comme ça aussi. Puis il a perdu contre moi qui jouait mon deck cassé blanc-rouge. Okay. Mais il aurait probablement gagné le draft s'il n'avait pas joué contre moi. Toi, en t'enlignant pour le Grand Prix d'Ottawa, dans quel des deux formats, Sealed ou Draft, tu te sens le plus à l'aise? Je me sens plus à l'aise en draft, là, pour être bien honnête. Là. J'espère que je vais faire jour 2 pour une fois. Ouais. Parce que Sealed, c'est quand même pas mal plus dépendant de qu'est-ce que tu ouvres. Mm-hmm. En draft, tu as des décisions à prendre sur qu'est-ce que tu vois passer, puis tu peux améliorer ton sort parce qu'il y a tu vois plus de cartes que dans ton Sealed. Tu vois juste 6 boosters dans ton Sealed, tandis qu'en draft, là, tu vois vraiment. Il y a 24 boosters autour de la table, puis tu vois des cartes dans tous ces boosters-là. Fait que je pense que le fait d'avoir des choix à faire, ça m'aiderait parce que je connais un peu mieux le format. Puis ça s'est bien passé pour moi dans les events du Grand Prix à New Jersey. Oui, ça a bien été. Oui, ça a très bien. J'ai gagné les 2 drafts dans lesquels je me suis inscrit. Puis ça s'est bien passé. Les decks étaient bons. Super. Ça fait que dans le fond, t'es à l'aise avec draft, puis t'espères. Il y a la fameuse... J'espère avoir un assez bon sealed pour pouvoir aller drafter. Mm-hmm. Ça risque d'être intéressant. Ben oui, absolument, puis on va te le souhaiter, c'est clair. Avant de finir notre épisode, c'est ça, moi j'aimerais parler un peu de ça, là, l'idée qu'en sealed, c'est très dépendant du pool de cartes que tu ouvres. Pourtant, même dans les événements de limité, on voit souvent que les joueurs qui excellent, ils réussissent à sortir quand même de leur pool de sealed. Donc, est-ce que c'est vraiment le pool ou c'est la façon d'identifier qu'est-ce que le maximum que tu peux aller chercher de ton pool? Comment tu vois ça? Parce que moi, oui, j'ai l'impression que c'est un peu galvaudé de dire que « Ah, j'avais pas un bon pool. » Tu sais, moi, je trouve que ça, c'est... OK, c'est vrai, il y a des meilleurs pools que d'autres. Ça, c'est clair, mais en même temps, qu'est-ce que tu peux aller chercher? C'est quoi le maximum que tu peux aller chercher de ce pool-là? Je pense que c'est ça la question qu'il faut que tu te poses, non? Ben, je suis absolument d'accord avec toi. Puis, c'est quand même difficile. Je peux pas dire que je me suis pas amélioré à construire des decks de sealed. Je me suis amélioré, puis il y a des choses à faire avec à peu près n'importe quel pool, mais des fois tu peux rien faire. Des fois tu es fait à l'os. Là. Ouais. Il faut pas avoir peur de changer les cartes. Des fois même de changer des decks en fonction de la stratégie de ton adversaire. Des fois ça peut te permettre de gagner un match parce que tu changes ton deck du tout au tout. Tout. Ouais. Pour t'ajuster à ce que ton adversaire joue. Puis pour ça, il faut être prêt. Préparez-vous d'avoir assez de sleeves pour pas perdre de temps à changer ça entre les games. Parlez à vos amis, demandez-leur comment que vous auriez pu changer votre shield pour qu'il soit meilleur. Puis écoutez ce qu'ils disent. Puis préparez-vous, si vous êtes capable de vous faire 2 decks, un qui est capable de battre des decks aggro, puis l'autre qui est capable de gérer plus des bombes, essayez de voir ça, puis essayez de voir c'est quoi les faiblesses de votre pool, puis de charger des cartes en fonction de ce que vous avez vu de votre adversaire. Prenez des notes sur les cartes que votre adversaire joue. Faites attention à jouer autour de choses qui vous détruiraient complètement. Puis ça devrait bien se passer. Mais oui, il y a des décisions à prendre quand même. Là. quand j'ai dit j'espère avoir un bon pool, j'espère avoir un bon pool quand même. Oui. Mais il y a de quoi faire avec à peu près n'importe quel pool, en effet. Oui, ben oui. Et puis, en fait, je pense que là, la partie où tu as mis le doigt dessus, c'est justement, c'est aussi le niveau de préparation. Est-ce que tu connais les. T'es connais-tu les instants? Est-ce que tu sais autour de quoi jouer quand l'autre il joue bleu-rouge? Est-ce que tu connais Winter Flame, la carte uncommon qui n'est pas jouée si souvent, mais qui peut te casser là maintenant? C'est de connaître aussi le format. C'est une chose d'avoir un bon pool, c'est vrai. Mais quand tu es en sealed, il faut que tu connaisses toutes les cartes. Faut connaître toutes les cartes, mais surtout les cartes qui peuvent connaître deux choses, toutes les morphs, puis toutes les cartes qui peuvent vous punir de bloquer une morph quand l'autre a 4 mana. Ça, c'est les deux choses, je pense, qu'il faut apprendre pour la fin de semaine. C'est les situations qui vont arriver le plus souvent. Puis faire le tour des instants aussi de chaque couleur. Puis, tu sais, mettons, c'est pas si difficile. Là, tu regardes, bon, ben, blanc, c'est quoi les instants en commune, à la limite, là. Ensuite, tu es rouge, tu as le tour. Tu sais, si tu joues pas autour de Feat of Resistance en fin de semaine, c'est sûr que tu fais pas jour 2, là. Tu sais, fait que c'est ça, à un moment donné, il faut oui, aller vouloir un bon pool, c'est une chose, mais comprendre le format, c'est clair que c'est quelque chose qui prend beaucoup de pratique aussi. C'est une chose de les étudier, mais il faut le jouer. C'est pour ça que je pense que l'avantage de ceux qui jouent sur Magic Online, moi, j'ai un Mac et je ne joue pas sur Magic Online, donc ça me punit beaucoup pour apprendre le format, puis qu'est-ce qui est joué le plus, puis qu'est-ce que les joueurs font à quel tour. Ça vous permet, vous, ceux qui jouez sur Magic Online, d'avoir une meilleure, je pense, compréhension du format plus rapidement. C'est mon avis. Probablement. Ouais, c'est clair, là. Ben écoute, Renaud, je vais te souhaiter la meilleure des chances pour en fin de semaine et à tous ceux qui vont se déplacer à Ottawa. J'espère qu'il va y avoir le plus de gens possible, tous les fois possible, qui vont faire jour 2. Et pour le prochain épisode, on essaiera peut-être de se trouver un joueur invité, un joueur québécois qui aura bien performé à Ottawa, parce que puisque c'est proche de chez nous, il y aura probablement plusieurs joueurs du Québec qui vont s'y présenter. Tiens juste à mentionner pour une dernière. En conclusion, Wizards a annoncé que c'était Grand Prix à Ottawa, mais ça se passe à Gatineau et tout est à Gatineau. Ah ouais, je savais même Grand Prix Gatineau, donc ça fait pas très international, sûrement, pas. le Gatineau, mais ça se passe au Québec et puis c'est dans une ville francophone. Donc, J'ai des frissons, je savais même pas. souvenez-vous. C'est malade. Mais raison de plus pour qu'il y ait des Québécois qui fassent bien et qu'on réussisse peut-être à avoir en entrevue la semaine prochaine pour notre épisode un joueur qui aurait fait le top 8, pourquoi pas. Espérons-le. Excellent. Merci Renaud. À la prochaine. Salut. Salut.